est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Bienvenue sur Vivacité, il est 11h. Le point sur l'actualité et on accueille tout de suite Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un nouveau nom à retenir dans le monde du football belge, Roberto Martinez. Il ne vous dit peut-être encore rien, mais c'est celui du nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Il sera présenté aujourd'hui officiellement à 12h30 par l'Union Belge de Football. Roberto Martinez succède donc à Marc Wilmots. Le nouveau sélectionneur n'est pas un inconnu dans le monde du ballon rond. Il a notamment entraîné Everton, un club de première ligue anglaise. Anderlecht a encore un espoir après sa défaite d'hier, accéder à l'Europa League. Demain, les Mauves connaîtront leur adversaire pour les barrages donc de l'Europa League. Hier, ils ont été éliminés du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions par les Russes de Rostov. Score final 0-2. Toujours pas de détails précis sur les motivations de l'auteur de l'attaque au couteau à Londres hier, mais la police évoque à présent un meurtre. La piste privilégiée resterait donc celle de l'acte d'un déséquilibré qui aurait des problèmes mentaux. La police n'évoque plus clairement la piste terroriste, même si elle n'est toujours pas exclue. Hier, l'attaque dans le centre de Londres a fait un mort et 5 blessés. En Afghanistan, une attaque contre le véhicule de touristes étrangers par un tir de roquette. Il s'agirait d'un acte des talibans. Les touristes dont on ne connaît pas la nationalité seraient blessés légèrement, 5 au total. Le chauffeur aurait aussi été touché. Les talibans leur auraient tendu une embuscade. Ils n'ont pas revendiqué l'attaque pour l'instant. Selon le porte-parole du gouverneur de la ville d'Herat, là où se dirigent les touristes, le véhicule touché voyageait en convoi sous la protection de l'armée afghane. Les militaires ont riposté à l'attaque. Plusieurs talibans ont été tués. C'est en tout cas ce que le porte-parole donc du gouverneur a assuré. Chez nous, la détention préventive de 2 hommes arrêtés dans le cadre de l'enquête des attentats de Paris a été prolongée de respectivement de 1 et 2 mois. Un des 2 hommes est le présumé logeur de Salah Abdeslam. Vous avez peut-être été nombreux à vous rendre à la côte le mois dernier pour passer un peu de bon temps et à utiliser le tram. Juillet a été un mois record en la matière avec plus de 2 millions de passagers, soit une augmentation de près de 2,5% de la fréquentation. La météo, le temps sera généralement sec aujourd'hui avec quelques éclaircies dans le courant de la journée, de plus en plus de nuages et quelques gouttes pourraient tomber au sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 19 et 21 degrés en plaine et 16 et 18 degrés en Ardennes. Un point sur les routes avec vous, Jean-Marc Strel, et il y a de nouveau des problèmes dans les tunnels à Bruxelles. Oui, et le tout confirmé d'ailleurs par la communauté Coyote avec un incident, c'est un problème de ventilation dans le tunnel Louise Stéphanie. Et donc le tout est fermé à la circulation dans toutes les directions avec d'importantes files entre la porte de Halle et le tunnel Louise vers Kuckelberg, entre le tunnel Rogier et le tunnel Louise vers le Midi, et des répercussions aussi entre le tunnel Bailly et le tunnel Stéphanie vers la Petite Ceinture. Voilà en ce qui concerne Bruxelles. Et puis d'autre part, sur le 40, ça coince toujours Bruxelles-Ostende avec ce chantier à Herpemer. Vers Ostende uniquement, entre Alost et Mels, sur 17 km, vous perdez 40 minutes en direction du littoral. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est l'heure des vacances sur Vivacité avec vous, Stéphane Piedbeuf. Mais oui, bien sûr, Justine. Vous revenez tout à l'heure à midi? Promis. Eh bien, le rendez-vous est pris à midi pile sur Viva pour le prochain point sur l'actualité. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. comment ça va? Nous sommes jeudi, peut-être jeudredi pour certains. En tout cas, c'est vrai que ça sent bon le week-end. Il arrive à toute allure et en plus, le soleil sera de la partie. Quelle bonne nouvelle! On va vous détendre, hein. C'est la seule mission de cette émission. C'est vous faire passer un bon moment avec notamment les conseils d'Aurore Salsano, la conso avec aujourd'hui comment se protéger des piqûres de tiques. Vous savez, c'est la saison hein, en ce moment. Elle nous dira comment faire. Et puis les people en vacances, c'est bientôt le Brussels Summer Festival et c'est un groupe qui sera votre invité tout à l'heure, le groupe Delta. On parlera avec Ben précisément tout à l'heure aux alentours de 11h30. Caroline Gillet sera là pour la météo des plages et de vos vacances, que vous lui demandez d'ailleurs sur le site vivacité.be. Et puis en air de vacances, sans les tubes de l'été, ce serait pas un air de vacances. Et tout à l'heure, nous écouterons le roi du scat, à savoir John Scatman. Je sens qu'on va encore faire clignoter le studio ici. Il va se transformer en boîte de nuit. Et peut-être chez vous aussi, à la maison, dans la voiture, au boulot. Et on parlera aussi jeux, concours, cadeaux, avec dans un instant la possibilité pour vous de profiter d'une journée inoubliable en famille, dans un endroit exceptionnel en province de Liège. Vous saurez tout après Enrique Iglesias et Duele el Corazon. Un air de vacances sur Vivacité. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. La chanson préférée des végétariens sur Vivacité, Enrique Iglesias. Bah oui, il parle de saladier, je sais pas combien de fois dans la chanson, hein. J'entends que ce mot-là quand j'écoute Duele el Corazon, qui est bien sûr classé dans le tip-top Vivacité, que vous retrouverez samedi entre 10h30 et 13h. Un air de vacances sur Vivacité. Et on vous invite dans un endroit formidable, direction le monde sauvage des Wai, à Hawaï. Alors le monde sauvage des Wai, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, le nom d'un animal du monde sauvage des Wai. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, le nom d'un animal du monde sauvage des Wai. Y'a le début, y'a bien vu, c'est qui est bien repu. Y'a l'autre chute en l'air, à l'endroit. C'est génial, hein? Bon, il n'y a pas que ça, il y a l'île aux singes, le centre des rapaces, il y a le canyon des ours, les grands fauves, les oasis, les dômes et les volières. Puis il y a le gibier aussi, vous allez pouvoir faire des safaris, hein, le safari africain, le safari asiatique, le safari sud-américain, direction Hawaï, donc en province de Liège, un super parc, histoire de passer une journée inoubliable en famille ou entre amis, puisqu'on vous offre un pass pour 4 personnes, donc que vous soyez adulte ou enfant, ça change rien, vous pouvez y aller à 4, c'est un cadeau génial, avec un jeu quand même encore compliqué, puisque vous allez devoir identifier un artiste à l'aide d'une seule seconde de son répertoire. Oui, une seconde d'une chanson, et on demande d'envoyer par SMS au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message le nom de l'artiste, donc pas le titre. Hein. Enfin, vous pouvez, mais il faut surtout le nom de l'interprète de la chanson. Alors tendez bien l'oreille et envoyez le nom de cette chanteuse, de ce chanteur ou de ce groupe par SMS au 6003. Écoutez. Ah, c'est rapide, une seconde forcément. Avez-vous identifié cette chanson? Ah, c'est pas évident parce qu'elle n'est pas toute récente. Vous avez trouvé? Bon, peut-être attendez une deuxième fois pour confirmer votre choix. Écoutez bien. Avez-vous identifié cet artiste? Si oui, eh bien 6003, à vous de jouer. Et tout à l'heure en direct, on vous appellera peut-être pour vous annoncer la bonne nouvelle. Bravo, vous avez gagné le monde sauvage des Wai pour 4 personnes. Dans quelques secondes, notre tout premier tube de l'été, c'est encore une fois un tube en puissance. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente ce dimanche 7 août, la 25e brocante des Berges de l'Ourthe à Amoire. Au bord de l'Ourthe, en plein air, découvrez 300 exposants, des animations spéciales pour les 25 ans, artistes de rue, tombola, bar et petite restauration. Entrée gratuite. Sortons ce dimanche à la grande brocante des Berges de l'Ourthe à Amoire. Le garage Skoda Chu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda Chu et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda Chu à Chenet, au pied de la côte d'Hambourg. Skoda Chu, le service en plus. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Chanson que vous allez avoir en tête toute la journée après l'avoir écoutée, c'est sûr. C'est notre tout premier tube de l'été. Vous l'avez peut-être déjà constaté si vous êtes sur vivacité.be ou vous avez même le clip de la chanson. C'est Otawan avec Théoké, groupe français qui est emmené par un chanteur guadeloupéen qui chantait à la base dans une église locale, figurez-vous. Ce titre leur a été taillé sur mesure par le duo Jean Kluger et Daniel Vanguard qui furent aussi les compositeurs d'une vague de tubes pour les Gibson Brothers ou encore pour Sheila. Celui-ci nous aura accompagnés pendant tout l'été 1980 et tout de suite sur Vivacité. Voici Otawan, Théoké. J'ai besoin de tendresse. 110-24-32, voyons ce que ça donne. Pour lire votre numéro de téléphone précédé de l'indicatif en terminant par un carré. Bon, ben visiblement ça fonctionne pas, c'est un faux numéro le 310-24-32. Et tout à l'heure, un autre tube de l'été sur Vivacité, John Scatman. Ouais, j'étais ok moi pour le 310-24-32, mais visiblement ce numéro n'est pas attribué. Bon, John Scatman, encore un grand moment tout à l'heure, à ne pas manquer. Et dans quelques instants, nous accueillerons Caroline Gillet, qui viendra nous dévoiler la météo de notre littoral belge. Et puis, elle répondra à vos questions. À vous, les vacanciers qui partez bientôt en vacances, vous pouvez demander la météo de votre lieu de villégiature sur vivacité.be. Ce sera juste après Vianney, on est bien comme ça. On s'en va sur des chemins différents, toi et moi. Mais qu'est-ce qui nous prend ? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. On débat sur des sujets qui nous font, toi et moi, nous sentir un peu con. Bagage qu'il nous faut, ça je ne sais pas, mais je t'aime trop. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. Oh, on est bien comme ça. On s'en fout des ampoules et des cailloux. Dans les choses, tant qu'on tient debout, on s'en bat. La distance et puis tout ça, ça fait peut-être mal, mais rien n'est idéal. L'album de Vianney s'appelle Idées Blanches. Restez avec nous sur Vivacité. Le groupe Delta sera votre invité dans les People en vacances. Ils seront très bientôt à Bruxelles dans le cadre du Brussels Summer Festival. La 2. en télé. Les meilleurs athlètes mondiaux vont briller à Rio. Vivez en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi sur la 2. Vivacité présente, le Delirium Tremens Band fête ses 25 ans. Samedi 6 août dès 14h, les bandas françaises, hollandaises et belges envahiront les rues de la vieille ville de Dahlem. 12 heures de musique non-stop sur le site mythique des bandas. Et concert de clôture par le Delirium Tremens à 2h du matin. Topitz, astuce congélation du jour. Nous sommes les seules congélations Topitz, de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topitz, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topitz. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. C'est l'heure de la météo des plages et de vos vacances. Caroline Gillet, bonjour. Ça y est, ça s'améliore enfin à la mer du Nord. Bonjour Stéphane. Oui, ça s'améliore, c'est vrai, avec de belles éclaircies au littoral aujourd'hui, surtout en seconde partie d'après-midi. Mais le vent va rester bien présent. Les températures, quant à elles, sont bloquées aux alentours des 20 degrés. C'est pas encore bien chaud, surtout avec le vent qui soufflera en rafale. La température de l'eau ne dépasse toujours pas les 18 degrés. Conséquence, le drapeau rouge restera encore hissé sur les plages belges aujourd'hui. Allez, courage, demain et surtout ce week-end, la situation sera bien meilleure. Direction Beaulieu-sur-Mer entre Nice et Monaco, où Jeanne et Serge se rendent demain. Il fera beau près de la Méditerranée, Caroline ? Oui Stéphane, il va faire beau, Jeanne et Serge peuvent être rassurés. Et puis quel beau lieu que Beaulieu-sur-Mer. Oui je sais c'était mauvais mais j'assume. Côté soleil, on en aura à volonté toute cette semaine. Du vent tout de même demain avec des rafales jusqu'à 55 km/h. La semaine prochaine va continuer sur la même lancée avec toujours autant de soleil, peut-être davantage de nuages pour les 11 et 12 août, mais ça reste à confirmer. Du côté du Mercure, il va faire chaud sur le sud de la France avec 26 à 29 degrés à Beaulieu-sur-Mer. Et vous l'avez dit Caroline Gillet, le vent souffle fort et du coup, eh bien, les portes, qu'est-ce qu'elles font? Elles claquent. On va donc écouter la grande Sophie et Nicolas Lee sur Vivacité à 11h21. Will you remember my hand caressing the milk of your skin? Will be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face would turn to other screens. On ne sait jamais où vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, des questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence n'a de miroir que quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes genoux, les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Au regard, au souvenir, je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir. Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. We never met again. Time goes by, decision to the room where we finalize. Doors slam over my face, on your tongue, sour taste. Just stand, time goes by, we look to the moon, nothing left behind. To hell, we are standing here, cause anyway, we never meet again. We'll be right back. vacances. C'était Phil Collins sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Et c'était avec beaucoup de plaisir que le groupe Delta est votre invité en direct à la radio par téléphone. Il y a Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Benoît ou Ben? Ouais, Ben, plutôt, voilà. Ouais, plutôt Ben. Vous avez un binôme, hein, il s'appelle Julien, Benoît Leclerc, Julien Joris, vous êtes... Les deux protagonistes du groupe Delta, un groupe 100% belge, hein, faut le rappeler. Exactement, bruxellois même. Vous êtes originaire de Bruxelles, et là, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes plutôt en vacances ou plutôt en pleine préparation de votre concert au Brussels Summer Festival qui aura lieu jeudi prochain à 19h30 à la Madeleine? Écoutez, pas encore en préparation de ce concert-là, mais ça va bientôt arriver dans les jours à venir. Mais là, on est en studio, justement, en Belgique, mais dans la campagne, pour pouvoir travailler un peu sur notre album et les futures choses à faire. Alors, il arrive quand, l'album? Il arrive janvier 2017. Bon, on se réjouit, parce qu'en visant la Lune, c'est très encourageant, hein. On a hâte de découvrir la suite. Bah oui, on est très très heureux de la manière dont Vivacité nous a supporté à fond. Et oui, nous-mêmes, on est impatients de voir avec quoi on va arriver, parce que voilà, c'est un long travail et on est impatients de voir le résultat final. C'est pas trop difficile d'être un groupe belge? Ça a des côtés, si, ça a quand même des côtés un peu difficiles parfois, c'est vrai. Dans notre rêve ultime, on aurait peut-être aimé être né autre part, etc. Parce que c'est vrai que les moyens mis pour la musique sont un peu moindres. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour le moment à Bruxelles et en Belgique. Et finalement, on est quand même fiers d'être belge et de faire ça chez nous, avec les personnes de chez nous. Bon, avant votre concert à la Madeleine, jeudi 11 août à 19h30, dans le cadre du Brussels Summer Festival, vous allez répondre au questionnaire des People en vacances. Pour commencer, on va parler musique. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous? Julien, t'as côté, moi, justement, la chanson qui représente le mieux l'été pour nous. De manière générale, ou cet été-ci? Cet été-ci, par exemple, votre tube de l'été préféré, mais ça peut être de manière générale aussi, hein, c'est un peu au choix. Ah. Non, mais là, cet été-ci, il y a Justin Timberlake qu'on entend beaucoup là. Oui, Can't Stop the Feeling. Okay. Ouais, qui met toujours une bonne vibe et tout. Ouais, sympa. Bon, super. Donc, vous partez pas en vacances? Vous bossez tout l'été? Ouais, c'est ça. On part pas spécialement en vacances, mais on travaille, on a envie d'avancer sur notre projet, etc. Mais on est parfois envoyé ici et là, mais on n'a pas de projet de vacances bien précis. Non. Vous êtes plutôt camping ou hôtel? Plutôt camping ou hôtel. Maintenant, hôtel. Ok. Piscine, mer ou montagne? Piscine, mer ou montagne. Piscine, hein, piscine. Quelle est la météo idéale de vos vacances? Oh, le soleil, la météo idéale. Le soleil, ouais. On en a marre, là. Il pleut tout le temps, depuis 3 jours, là. Je suppose que c'est la même chose à Bruxelles, mais c'est un peu complexe. Ouais, non, le soleil. Bon, le temps est relativement un peu plus sec, là, quand même, hein. Mais le soleil arrive, surtout demain, surtout samedi et vraiment dimanche, en fait. Hein. D'accord. Donc, voilà. Votre apéro, votre cocktail préféré l'été? Ah, le cocktail préféré, c'est le gin. Gin tonic concombre. Ah ouais, c'est pas mal ça, avec le combo. Un petit sugar tree, fini. Ouais, ouais. Le combo idéal. Et votre plat préféré? Notre plat préféré. Alors moi, je vais pas être super original. Moi, quand j'ai vraiment faim et que j'ai envie de manger un bon truc, un bon spaghetti bolognaise, ça fait toujours l'affaire. Avec voilà. Ou sans fromage? Avec fromage, évidemment. Sans fromage, c'est même compliqué, ça perd sa saveur. C'est fromage vrai. Ou même de la parmesan, je dirais même. Fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum pour votre glace? Fraise, vanille ou chocolat? Moi, plutôt chocolat. Chocolat. Ah ben voilà, Julien plutôt fraise, donc là on n'est pas d'accord. Bon écoutez, on va faire une exception, hein. Une boule chocolat, une boule fraise, ça va pas ruiner la boîte. Exactement. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique? Quel endroit on sent en vacances en Belgique? Je dirais à la mer. Où ça, dans une station en particulier? Je suis beaucoup allé à Coxide, c'est la station que je connais le mieux. C'est vrai que quand il fait beau, on a l'impression d'être super loin et ça fait du bien en fait, mais ça n'arrive pas si souvent que ça, malheureusement. Bon, très bien, merci d'avoir répondu au questionnaire des People en vacances. L'album que vous êtes en train de préparer, vous allez quelque part un peu le chanter dans votre concert du Brussels Summer Festival? Ouais, tout à fait. Bon, on va jouer... En tout cas, les 5 morceaux de l'EP qui est disponible depuis fin mai, oui. Et plus deux nouveaux titres inédits. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu plus le groupe Delta, et je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup qui vous suivent là, allez les voir, ce sera à la Madeleine, dans le cadre du Brussels Summer Festival avec Vivacité. Ce sera jeudi prochain à 19h30. En plus, la salle de la Madeleine, c'est vraiment une super salle de concert. Bah ouais, on adore. En plus, on joue là, on jouera nous-mêmes le 14 octobre, justement, pour notre concert juste à nous. Donc on est impatients de déjà, on va dire, un peu visiter les lieux et se les approprier. Ok, bon, eh ben, je vais vous laisser bosser sur l'album. Et on se voit jeudi alors, à 19h30. Ouais, à bientôt. Merci, salut, bonne journée. Direction les routes avec vos conditions de circulation. Jean-Marc Strill, est-ce que ça roule? Oui, ça roule bien et même mieux parce que l'info quand même pendant une bonne heure, c'était Bruxelles et les tunnels Porte de Halle et Louise vers Kuckelberg qui étaient fermés avec pas mal de ralentissements, mais tout est rentré dans l'ordre, donc plus de soucis là-bas. Donc il ne reste plus qu'à vous communiquer une info qui n'est pas une surprise. Il s'agit de l'E40 Bruxelles-Ostende et ce chantier entre Herpemer et Witteren, entre Alostey et Mel. Ça coince sur 18 km et vous perdez 45 minutes, donc c'est important, uniquement en direction d'Ostende. Il y a aussi des répercussions sur la N9 entre Witteren et Mel sur 4 km où vous perdez une trentaine de minutes. En ce qui concerne la direction vers Bruxelles, quelques ralentissements, mais moins importants. Dis, votre partenaire pour l'été, solaire, mini format, premier soin, tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.

Une promenade dans les bois ou dans les hautes herbes et c'est la piqûre de tique assurée si vous n'avez pas pris quelques précautions. La première est d'exposer le moins possible votre peau. On veillera donc à mettre des pantalons qui descendent bien sur les chaussures, des chaussettes et des chaussures hautes, éventuellement aussi des manches longues, même si quand il fait chaud, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si malgré cela vous avez été piqué, vous devriez le remarquer le soir à votre retour de promenade puisque la tique reste accrochée à sa victime quelques heures. Comment l'enlever ? Surtout, et c'est très important, on oublie les terres. Cela endort la tique et lui fait cracher sa salive sous la peau, ce qui justement peut infecter le corps d'un tas de petites crasses. Mais ça, on y reviendra plus tard. L'idéal est donc d'utiliser une pince à tique. On en trouve en pharmacie, ça ressemble à un tout petit pied de biche. Lisez bien le petit mode d'emploi qui l'accompagne pour maîtriser la technique. Il faut y aller en douceur et en étant bien perpendiculaire à la peau. Une fois la tique enlevée, on nettoie correctement et on reste attentif aux signes qui pourraient survenir les jours qui suivent et indiquer que vous souffrez de la fameuse maladie de Lyme. Cette maladie est facile à traiter avec des antibiotiques, mais malheureusement pas toujours simple à diagnostiquer. Les symptômes se manifestent dans les quelques jours qui suivent la morsure. Il s'agit de fièvre, de fatigue et de plaques rouges qui n'apparaissent pas forcément à l'endroit piqué. Si vous souffrez de l'un de ces symptômes ou si l'endroit de la morsure est anormal, normalement rouge et gonflé après avoir enlevé la tique, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin et surtout, profitez bien de vos balades, il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Merci beaucoup Aurore Salceno et on vous retrouvera demain pour un prochain conseil conso et puis tous vos conseils sont d'ailleurs rassemblés sur la page internet Un air de vacances, rendez-vous tout de suite ou un petit peu plus tard quand vous le souhaitez sur le site vivacité.be. Voici Dancing Queen, le groupe ABBA et puis on s'informe sur Viva. Dans un instant, l'arrivée de Marina Kay sur Vivacité. Puis notre deuxième tube de l'été, ce sera John Scatman. Restez avec nous. Vivacité présente 3D World Magic and Fun Ostende. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3dworldbelgium.be. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Il est midi pile. L'actualité avec vous, Justine Hermans. Bonjour à tous. Les Jeux Olympiques de Rio, J-1, et la Belgique à son porte-drapeau, c'est Olivia Borlée. C'est elle qui défilera avec le drapeau noir-jaune-rouge dans la nuit de vendredi à samedi pour la cérémonie d'ouverture. L'athlète de 30 ans s'alignera ensuite sur le 200 mètres le 15 août. Elle a marqué l'histoire belge des Jeux en remportant la médaille d'argent sur le 4x100 mètres féminin à Pékin, c'était en 2008. Olivia Borlée succède à Tia Hellebout, notre porte-drapeau, il y a 4 ans à Londres. Dans une demi-heure, Roberto Martinez devrait s'exprimer pour la première fois en tant que nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'Union belge de football a annoncé sa nomination hier soir. Il succède donc à Mark Wilmots. Le nouveau sélectionneur n'est pas un inconnu dans le monde du ballon rond. Il a notamment entraîné Everton, un club de première ligue anglaise. Alors Roberto Martinez, c'est un nouveau sélectionneur espagnol, pas un belge, donc aux commandes de l'équipe nationale. Est-ce une bonne chose? Simon Gérard a posé la question à Freddy Merlot, le secrétaire du club des supporters Diabolux. Lui, il arrive avec un œil tout à fait étranger à ces divergences de points de vue ou aux divergences politiques, j'allais dire, ou entre ces deux parties du pays, la Wallonie d'un côté, la Flandre de l'autre. Il va arriver avec un œil neutre et je pense que il va faire du bon boulot. De toute façon, il ne va pas mettre en avant telle ou telle personne parce qu'il est de telle ou telle origine. Pour lui, il recommence tout à zéro, je suppose. Il va quand même baser son noyau logiquement sur ce qui a terminé l'Euro 2016. Peut-être qu'on aura déjà des premières surprises dans sa première sélection contre l'Espagne, on verra bien. Et le prochain match des Diables Rouges, ça sera à la rentrée le 1er septembre pour une rencontre amicale contre l'Espagne. Freddy Merlot était interviewé par Simon Gérard. Un entrepreneur sur 9 a moins de 30 ans. Le nombre de jeunes indépendants a augmenté en 2015 de plus de 4% par rapport à l'année précédente. Des chiffres de l'INASTI, l'Institut National de Sécurité Sociale pour les Travailleurs Indépendants, relayés par le syndicat neutre des indépendants. Selon ce syndicat, cette croissance, c'est le résultat d'un meilleur climat économique, de la culture des start-up et aussi de la technologie qui permet de démarrer sans devoir faire de lourds investissements. La pluie quitte petit à petit le pays, mais les averses de ces derniers jours et de ces dernières semaines aussi ne font pas les affaires des agriculteurs, même pas du tout. Les productions de céréales ne se portent pas bien en raison de ce temps maussade. À l'heure de la moisson, les agriculteurs constatent une mauvaise qualité du grain. Ils s'attendent à une récolte particulièrement mauvaise, principalement en province de Luxembourg, Nicolas Lefebvre. Bon nombre d'agriculteurs sont formels. 2016 est sans doute la pire année en termes de récolte. Le grain est désormais humide et en quantité insuffisante, faute de chaleur. François Debarcy est entrepreneur agricole, non loin de Bastogne. Nous sommes très inquiets. Les premiers escourgeons viennent de tomber. Là, on est à maximum 5 tonnes, 5 tonnes, 2 tonnes, c'est le plus que j'ai fait. Et on est tombé à 3 tonnes, donc la moyenne va être catastrophique. François produit en moyenne 8 tonnes de blé par an. Ici, il vise 5 tonnes seulement. Une baisse de rendement que connaît également Jacques Petit, agriculteur dans la commune de La Roche. Pour ce qui est fait jusque maintenant, on est entre 40 et 50% moins que les autres années. Mais pour ce qui reste à faire, ça va probablement suivre la même tendance. Une diminution couplée à une baisse des prix. Le blé s'élève actuellement à 120 euros la tonne, soit 30 euros de moins qu'en 2015. Une mauvaise nouvelle de plus pour François Gauthier qui sait à quoi s'attendre. Il est lui aussi agriculteur, tout près de Bastogne. 250-300 euros de perte, à mon avis, à l'hectare, si ça va comme ça va là. Si je vois les prix comme ils restent là. Quand on voit la grosseur du grain par rapport à l'an dernier, on sait déjà bien quoi. François Gauthier a connu la sécheresse de 1976, mais pour lui, 40 ans plus tard, 2016 est bien pire et même inédite. Un point sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel et il y a des ralentissements sur la E40. Effectivement, Bruxelles-Ostende entre Herpomer et Wetteren, dans les deux sens, quoique vers Bruxelles maintenant. C'est bel et bien terminé, mais ça ne surprend personne, ce chantier qui pose problème chaque jour. C'est en direction d'Ostende, donc à partir de Alost, sur 18 km, et vous perdez 45 minutes actuellement. Des répercussions également sur la N9 entre Wetteren et Mel, sur 5 km, où vous perdez 25 minutes, et le tout en direction du littoral. Pour le reste, c'est assez calme, c'est terminé dans les tunnels, les petits problèmes que nous avons rencontrés tout à l'heure. Par contre, il y a quelques ralentissements en direction de la frontière française sur le 17, Courtrai-Lille, à partir d'Albec, où vous perdez plus ou moins 15 minutes sur 4 km. Dis, votre partenaire pour l'été, solaire, mini-format, premier soin, tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et un air de vacances continue sur Vivacité avec vous, Stéphane Piedbeuf. Merci beaucoup Justine, et puis tout à l'heure, ne manquez pas le journal sur Vivacité à 13h. Un air de vacances sur Vivacité, de 11h à 13h, avec Stéphane Piedbeuf. I'm home. Homeless, c'était Marina Kay sur Vivacité. On vous emmène au monde sauvage des Wai. Et le monde sauvage des Wai, eh ben c'est très sympa. Il y a les safaris, il y a les grands fauves, il y a le canyon des ours et cette chanson culte. Dis-moi, dis-moi, le nom d'un animal du monde sauvage des Wai. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, le nom d'un animal du monde sauvage des Wai. Alors on vous offre 4 invitations d'une journée inoubliable. Vous pouvez y aller 4 fois tout seul, 2 fois à 2 ou 1 fois à 4, que vous soyez parent ou enfant, ça n'a pas d'importance. C'est mondesauvage.be, le site internet du monde sauvage des Wai. Allez-vous vous en rendre compte, il y a vraiment, vraiment plein d'activités. Hein. Les animaux aquatiques aussi sont très impressionnants. L'observatoire des girafes et puis ces safaris. Il y a 3 safaris. Hein. Il y a le safari africain, le safari asiatique, le safari sud-américain, puis il y a le gibier. Et puis si vous avez envie de d'autres activités. Il y a également, pas loin de là, les grottes d'Ormouchan, hein, qui sont très très sympas. Et puis, il y a l'espace récréatif et détente, où les enfants s'amusent comme des petits fous, pendant que vous, eh bien, vous vous restaurez dans des restaurants qui sont vraiment très sympas. Bref, c'est un parc génial. Une journée inoubliable au monde sauvage des Wai, en province de Liège, à gagner au 60-03 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. Au 60-03, on vous demande de nous envoyer le nom d'un artiste. Oui, un artiste à partir d'une seconde de son répertoire, et cette seconde c'est celle-ci, écoutez. Voilà, avez-vous trouvé de quel artiste il s'agit? Alors parmi vos réponses, il y a malheureusement des mauvaises réponses. Francis de Sorin nous dit Johnny Hallyday. C'est pas Johnny Hallyday, Francis. Vous êtes nombreux à nous envoyer Tina Turner, notamment Stéphane de Tournai. Bah, malheureusement, c'est pas Tina Turner. Hein. C'est vrai qu'elle est revenue très très souvent dans vos propositions. C'est pas Rihanna, c'est pas Deep Purple. Il y a une autre chanteuse qui revient très souvent, c'est Anastasia. C'est pas Anastasia non plus. Alors de qui s'agit-il? On va réécouter une toute dernière fois la seconde qui va peut-être vous permettre d'identifier l'interprète de cette chanson. Écoutez. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous l'envoyez vite au 60-03 par SMS. 60-03 et dans quelques instants, eh bien on vous appelle en direct sur Vivacité. Et vous prendrez la direction du monde sauvage des Wai en famille. Comment bien manger quand... On adore les tomates. Eh ben, reste une journée en plein soleil sur la plage et tu seras servi. On vous conseille plutôt d'essayer les succulentes tomates en grappe de Lez. Toutes produites localement en Belgique, elles ont un goût exceptionnel et sont délicieusement juteuses. Et avec un prix pareil, plus besoin d'aller au soleil pour rougir. En effet, jusqu'au 10 août, les tomates en grappe en vrac de Lez sont à seulement 99 centimes le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. La plupart de nos AD Proxy Deleuze sont ouverts les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur deleuze.be. Proximus présente... Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh bah facile, basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça? Football, balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein? Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. La 3 présente Spa 2016 avec La Biche, Diderot, Beaumarchais, mais aussi Alain Berenbaum, Véronica Mabardi, Céline Delbecq, Yasmine Areza, Frédéric Lordon, Nicolas Ancion. Le Festival de Théâtre de Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique, l'avenir et Vivacité. Fred, qu'est-ce qui est rouge, ultra rapide et super économique? Ma prochaine voiture. Mais non, c'est Red Market, le supermarché avec un personnel hyper sympa, des produits frais, des caisses ultra rapides et des prix constamment revus en fonction de la concurrence. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Le garage Skoda CHU vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda CHU et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda CHU à Chesnay, au pied de la Côte d'Hambourg. Skoda CHU, le service en plus. Vivacité Tour des sites organisation présente 800 reflets. Un spectacle son et lumière en vidéo mapping qui retrace 800 ans d'histoire à l'abbaye du Val-Dieu. Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour découvrir ce récit fantastique. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Un air de vacances sur Vivacité. C'est l'heure de notre deuxième tube de l'été. Quel tube, hein. John Scatman avec Scatman, américain. Il est né en 1942 et on l'a rapidement surnommé le roi du scat. Le scat, c'est une sorte de jazz vocal où des onomatopées sont utilisées en lieu et place des paroles. Et ce serait Louis Armstrong qui aurait utilisé pour la première fois cette technique. Alors, bah, j'imagine que vous avez deviné sur ce titre, c'est quoi le, hein, le truc. C'est le bebop, le hein, c'est... J'arrive pas à le faire, ça va tellement vite, c'est énorme. Souffrant de bégaiement dans son enfance, eh bien, grâce à ce titre, eh bien, il a surmonté son handicap pour la toute première fois. Donc c'est une belle histoire en fait, l'histoire de cette chanson de John Scatman avec Scatman. On l'écoute tout de suite, c'est bon, c'est parti, on appuie sur play. Le clip est sur vivacité.be. I'm a scat man. Skibidi bidi yum da da da. Yum da da da. Skibidi bidi yum da da da. Yum da da da. I'm a scat man. Yum da da da. Yum da da da. Skibidi bidi yum da da da. Yum da da da. So check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Décompresser, dire I'm a Scatman, c'est pas mal. C'était John Scatman sur Vivacité. Et ne manquez pas, tous nos tubes de l'été, ils sont là sur vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances, il y a toutes les rubriques aussi, la séquence conso avec Aurore Salsano notamment. Et puis ces fameux clips que l'on vous fait découvrir chaque jour dans le cadre de nos tubes de l'été. Alors dans un instant, eh bien, la météo de vos vacances avec Caroline Gillet. Et puis notre people en vacances, eh bien, ce sera aujourd'hui Nicolas-Xavier Ladouce aux alentours de midi et demi. On va l'appeler, il est sur la une aujourd'hui pour la météo. Et on parlera notamment d'un spécial quel temps qui se profile à l'horizon. Et puis surtout, on lui posera la question. Eh bien, les questions que l'on pose d'habitude aux people en vacances, c'est-à-dire où part-il cet été? Est-il déjà parti? Est-il plutôt camping ou alors hôtel? On lui posera ces questions dans quelques minutes en direct à la radio sur Vivacité. Voici, j'écoute du Miles Davis, Navi. La peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. En fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime. Fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Tu m'aimes au fond de cette spirale. Ce fan, les chrysanthèmes. Ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. J'écoute du Miles Davis, Navi sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Et on vous souhaite un bon temps de midi. Vous travaillez, vous regardez par la fenêtre. Ouh, c'est un peu gris, mais bon, il n'y a pas trop de pluie. Ça va, le soleil va revenir chez nous. Et c'est le retour de Caroline Gillet pour nous faire voyager et surtout pour la météo des plages et des vacances. Vous êtes très nombreux à nous demander le temps de votre lieu de séjour. Tamara, par exemple, elle s'en va au Portugal, à Estoril, à quelques encablures de Lisbonne, le long de l'océan Atlantique. Caroline, parasol ou parapluie ? Parasol, définitivement le parasol. Estoril, les prévisions météo, ben c'est presque trop facile, j'ai envie de dire. Un ciel magnifiquement bleu, un soleil qui va régner en maître. Jusqu'à la fin de cette semaine, le vent sera faible. À partir de la semaine prochaine, il va devenir un peu plus fort. On est quand même sur le bord de mer. Côté Mercure, préparez-vous Tamara, il va faire très chaud, 28 à 35 degrés. 35 degrés, ce sera pour mardi prochain. L'indice UV va donc être assez élevé. Pensez à la crème solaire, les tomates, c'est quand même meilleur dans la salade. Effectivement. Ou on aurait pu dire l'escampille aussi. Une des destinations de rêve cet été est sans conteste la Corse, l'île de beauté où Sophie et Xavier de Malmedy se rendent demain, Caroline. C'est à Bastia qu'ils poseront leurs valises. Eh bien, Sophie, Xavier, préparez-vous, gros changement de paysage et de météo au programme. Pour la fin de cette semaine, à Bastia, du soleil. Pour la semaine prochaine, du soleil. Bref, du soleil. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Petit bémol demain tout de même avec quelques gouttes dans la matinée. Le vent, lui, pourra souffler assez fort en rafale jusqu'à 70 km/h. Du côté des températures, pas beaucoup de changements d'un jour à l'autre. Une fois 29 degrés, une fois 30. Que dire à part

YouTube en puissance que vous aimez sont sur Vivacité, bien sûr, avec Bruno Mars à l'instant. Il y aura Alain Souchon et Laurent Voulzy, Tal ou encore Super Trump avant 13h. Merci de nous écouter. Un air de vacances sur Vivacité. Les people en vacances, et ça nous fait plaisir d'accueillir Nicolas Xavier Ladouce. Bonjour Nico. Salut Stéphane, bonjour à tous. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien, de bonnes nouvelles sur le front de la météo pour ce week-end, alors ben, on a le sourire, évidemment. C'est vrai que c'est toujours agréable d'annoncer le soleil plutôt que la pluie. Hein. Ah oui, eh oui. Bon, les people en vacances, puis on parlera d'une spéciale quel temps, hein, puisqu'on vous voit là, ce sont les estivales bah, tous les jours, oui. juste après les feux de l'amour, hein. C'est bien ça. Oui, hein. voilà, c'est un petit peu le gimmick à chaque fois, hein, juste après les feux de l'amour. Et juste avant le journal. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Bon, ça va, vous partez en vacances cet été, vous êtes déjà parti? Ben, je suis malheureusement déjà revenu. Voilà, les vacances sont déjà derrière moi. Et évidemment, dans ces conditions-là, on guette le moindre rayon de soleil pour profiter un petit peu des vacances à la Belge. Et donc, c'est vrai que c'est chouette que ce week-end, ça a l'air de bien se mettre. Et on programme déjà quelques petits barbecues pour le week-end. J'imagine que c'est comme ça un petit peu pour tout le monde. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Alors le meilleur souvenir de vacances, c'est un petit peu à chaque vacances. Hein. Le meilleur souvenir, c'est vrai que je pense que cette dernière vacances, c'était vraiment pas mal. C'était où? C'était dans le Var. C'était dans le Var, dans la région des vins de Bandol. Vraiment une super petite région entre montagne et mer, avec les dernières corbières avant la mer justement. Oui. Et donc j'ai pu voir aussi ma fille qui nageait sans problème. Et ça, ça fait quelque chose évidemment de voir ses enfants qui progressent comme ça. Ouais. Et dans des conditions géniales aussi au niveau de la météo, plus de 30 degrés tous les jours, un grand soleil, donc franchement tout était réuni pour passer un excellent moment en famille, et ce fut le cas et c'était très agréable. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel? Moi j'aime bien de faire des rencontres. Alors l'hôtel avec le buffet international, c'est pas trop mon truc. Mmh. Donc je serais plus camping, même si la formule chambre d'hôte, table d'hôte, vraiment aller chez l'habitant, chez les personnes qui vivent dans une région, ça c'est vraiment mon truc. Et voilà. Mais je choisirais plutôt le camping que l'hôtel, hein, entre vos deux propositions. Piscine, mer ou montagne? Les trois, mon colonel, les trois. Les trois, la Corse, quoi, alors finalement. Ouais, par exemple, la Corse, pour moi, je n'y ai jamais été, mais ça fera certainement partie de mes prochaines destinations de vacances, parce qu'on a un petit peu tout sous la main. On a la mer, et j'adore l'eau, j'adore les vagues, etc. Et puis la montagne, on sait aller se perdre à une petite ascension et avoir un panorama extraordinaire sur la mer, ça c'est vraiment le top du top. Nicolas Xavier Ladouce, quelle est la météo idéale de vos vacances? Ah ben écoutez, la météo idéale, c'est une météo qui était correctement annoncée. c'est pour la petite anecdote, mais c'est vrai que évidemment, si on prend des vacances, on aime autant le soleil que la pluie. Même si trop de soleil, parfois évidemment, et ça ces petits aspects négatifs aussi, hein, les coups de soleil, les coups de chaleur, etc. Évidemment le soleil plutôt. Avez-vous un apéro ou un cocktail préféré pendant l'été? Ça change en suivant les modes, j'ai envie de dire. J'étais assez mojito jusqu'à présent, mais le spritz là, c'est vrai que c'est quand même un bon spritz au bord de la piscine. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est quand même assez formidable. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, c'est oui, quoi oui, vous, oui, c'est très bon. Oui aussi, mais le spritz, c'est pas mal finalement. Le spritz. Moi, je suis pas raciste en même temps. Moi, je prends le mojito, le spritz, la bière. Voilà. Mais pas en même temps. Voilà, oui, voilà, oui. Je vous reconnais bien là. Votre plat préféré? Mon plat préféré, oh là là là là là là. Oh, bah écoute, je suis un incroyable indécis. Vous allez me dire, j'ai pas des choix très tranchés. Mais mon plat préféré, je pense que c'est une fritura mixta devant la mer Ionienne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous savez pas ce que c'est? Ah non, j'ai jamais entendu. Eh bien, c'est sont tous des fruits de mer, en fait. Ah oui. Un peu panés, comme ça, passés à la friture. Et ça, c'est juste divin, avec un petit coulis de jus de citron dessus. C'est le top du top, ah devant la mer. Très appétissant, en tout cas. Chez nous, en Belgique, où vous sentez-vous vraiment en vacances? Alors, j'ai la chance d'habiter une région vraiment dépaysante. Je le dis souvent, mais c'est vrai que j'habite en fait dans le sud namurois, entre vallée de la Molinier, vallée du Burneau. Donc, c'est vraiment une chouette petite région où dès qu'il y a un rayon de soleil, on a vraiment l'impression qu'on est en vacances. Donc, vraiment la région où j'habite me convient parfaitement. Sinon, on a tous nos habitudes en matière de vacances en Belgique. Moi, la côte belge, c'est plutôt du côté d'Osdunkerque que ça se passe. Hein. Vous savez, là où il y a les pêcheurs à cheval. La pêche à la crevette. La pêche à la crevette grise. Oui, ça, tout à fait. C'est mon enfance. Oui, c'est ça. Et puis la vallée de la Semois aussi, ça c'est assez chouette. Ok, super. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire des People en vacances. Alors, il y aura une spéciale Quel temps bientôt. Vous êtes allé filmer, tourner au Bois du Cazier. Voilà, exactement, car lundi, vous le savez, hein, c'est les 60 ans de la terrible catastrophe du Bois du Cazier. Mmh. Et Quel temps a voulu rendre hommage aux travailleurs qui ont perdu la vie ce jour-là. Oui. Et puis à tous les travailleurs italiens qui ont été très nombreux à cette période à venir travailler en Belgique, échanger, comme on dit, leurs bras contre un salaire décent, ce qui était loin d'être le cas dans l'Italie et au sortir de la guerre. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout cela que vous allez apprendre, voir un peu dans quelles conditions ils sont arrivés chez nous en Belgique. Comment ils se sont acclimatés aussi aux conditions météo de chez nous, qui étaient loin d'être celles que bon nombre d'Italiens connaissaient chez eux. Et puis aussi, quel était leur quotidien dans le fond de la mine, et c'était loin d'être évident, c'est ce que vous pourrez voir. On passera en revue également la situation météo du 8 août 1956, avec plusieurs invités, un spécialiste météo, Luciano Arcangeli aussi de la RTBF, journaliste, qui vient d'écrire un livre, il est fils de mineur, vient d'écrire un livre hommage à son père, et à travers cet hommage à tous les travailleurs italiens qui ont quitté la Belgique à l'époque. Voilà, donc rendez-vous lundi 12h40 sur la Une. Eh bien, on sera là. Quel temps donc, 12h40 sur la Une dès lundi. Bonne journée, on vous voit d'ailleurs sur la Une dans quelques minutes, il va falloir se dépêcher. Oui, je me dépêche. C'est dans 20 minutes la météo, et puis tout de suite direction le sud de la France pour vous remercier Nicolas-Xavier Ladouce avec Laurence Souchon et Alain Voulzy. C'est magnifique, on va la remettre la chanson. Alain Souchon et Laurent Voulzy, c'est la BD Fourmis, voilà, c'est là qu'ils ont écrit cet album en commun qui est sorti il y a quelques mois, et c'était une grande première, ils sont depuis toujours, et ça leur a bien fait plaisir d'écrire et de composer ensemble. derrière les mots, c'était Alain Souchon et Laurent Voulzy. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Qui va partir au monde sauvage des Wai, profiter d'une journée inoubliable en famille ou entre amis? Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va composer le numéro de téléphone de quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse à notre jeu concours. Quelqu'un qui a réussi à identifier un artiste avec une seule seconde d'écoute. Franchement, vous êtes fort chaque jour, hein, puisqu'on a chaque jour un gagnant. Je dis bravo. Bon. Allô? Oui, bonjour. Bienvenue sur Vivacité. Oui, bonjour. C'est Stéphane à l'appareil. Et vous, quel est votre prénom? Alors, c'est Jean-François. Salut Jean-François. Dans quelle région habitez-vous? Alors, j'habite à Villers-le-Bouillet. Et alors, quel temps à Villers-le-Bouillet pour l'instant? Plutôt gris. Plutôt gris, oui, c'est vrai. Mais il pleut pas. Gris, mais pas de pluie. Mais non, bon, pas de pluie. Ça va. On s'est pas trompé alors. Par contre, il y a du vent, hein. Il y a un petit peu de vent, oui. Ça souffle. Bon, les vacances, c'est déjà terminé pour vous? C'est pas encore, ça n'a pas encore commencé? Oh, une petite partie, on va dire. Et l'autre partie, ce sera peut-être pour fin août. Vous partez? Je ne sais pas encore. Peut-être, en Alsace. Mais ah, plus. L'Alsace, avec le Gewürztraminer, c'est ça? Absolument, tout à fait. Un vin d'enfer, ça. Hein. Ah, c'est très bon. Oui, et puis le crément, bien sûr, là-bas. Et le crément. C'est crément, la spécialité, oui. Aussi. Et puis, belle région, gens sympas, tout ça, tout ça. Bon, vous avez trouvé l'artiste recherché. Absolument. Alors, on va réécouter l'extrait pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. À partir de ça, vous avez réussi à trouver qui? Alors, Britney Spears. Bah, ça semble être bon, hein. Vous vous souvenez du titre? Non, pas du tout, mais je pense que c'était le premier titre où elle s'est fait connaître, mais ouais. Le nom, je ne me rappelle pas. Mais... Avec le clip dans la salle d'école, etc. Absolument. Avec l'horloge qui sonne, etc. Voilà. Ouais, c'est Britney Spears, vous avez la bonne réponse, et le titre exact, vous allez vous en souvenir, c'est Baby One More Time. Eh ben c'est gagné, vous venez de remporter 4 entrées pour le monde sauvage des Wai. Eh ben super, c'est très gentil à vous. C'est top, hein. Oh, bon. Oui. Vous y allez avec vos enfants, vos amis, vous savez pas encore? Avec mes enfants, donc avec mon épouse et mes 3 enfants, et on complétera pour la troisième, la petite. Là. Bon, si elle est très petite en même temps, je pense que c'est gratuit, hein, pour les tout petits enfants. 7 ans. Je crois que là, donc c'est payant. Ouais, bah je sais pas. Elle est vraiment petite, vous dites, oh, écoutez, elle a 3 oui, ans. Oui, oui. Oh, c'est la passée, quoi. Elle est 3 ans, mais elle est précoce, elle est déjà très grande, quoi, vous voyez. Voilà, tout à fait. Moi, je serais capable de ces genres de trucs, hein. Et voilà, après, il faut y aller au culot, quoi. Bon. En tout cas, 4 places arrivent chez vous très bientôt. Ne raccrochez pas, on va prendre toutes vos coordonnées en antenne, ok? C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Et oui, à bientôt. Merci, au revoir. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule? Dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Moi, j'aime les melons plein de soleil. Oh, ben vous allez adorer nos bons melons, alors. Un petit. Oh oui, monsieur Marc. Mmh. Non, le melon, en entrée ou en dessert, c'est tellement bon. Oui, ben à ce prix-là, on peut en manger en entrée et en dessert. Voilà. Évidemment. Mmh, c'est bon. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le deuxième melon Gallia est à moitié prix. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Stages, activités sportives, marches, trophées des communes, nous parlions des activités soutenues par l'ADEPS. Ce mercredi, les meilleurs moments de l'émission sont disponibles dès à présent sur notre site internet. Vivacité, ma radio complicité, aussi sur rtbf.be/ovio. Prêt pour l'aventure? Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. L'impression d'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. C'était Tal. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Ce samedi, le beau vélo de Ravel se baladera du côté de Boussu-Colfontaine au départ du site du Grand Ornu. Lors de cette balade, vous emprunterez la ligne 98 du Ravel, une ancienne ligne de chemin de fer. C'est notamment grâce à l'ASBL Chemin du Rail que ces anciennes lignes ferroviaires deviennent des Ravel. Adrien Jovenot a justement à ses côtés Jacques Botte, son président. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Cap sur le Borinage. Nous allons parler patrimoine ferroviaire avec Jacques Botte, le président des chemins du rail. C'est vrai que la ligne 98, elle a conservé beaucoup de traces du chemin de fer, Jacques. Oui, effectivement, nous sommes ici dans une région industrielle de charbonnage. Il y avait pas mal de charbonnage, donc pas mal de lignes industrielles. C'est pour ça qu'on a pas mal de lignes 98A, 98B, 98C. C'est vraiment une foison d'anciennes lignes. On en parle d'ailleurs dans le livre Le guide du beau vélo de Ravel, écrit par Frédéric Thiébaud. Le beau vélo parcourt différents types de lignes de chemin de fer transformées en Ravel. Et vous, avec Chemin du Rail, vous tentez de mettre en évidence ce patrimoine ferroviaire, parfois oublié, délaissé. Effectivement, il y avait 5000 km de lignes ferrées. On en a perdu 1800. Et pour nous, à Chemin du Rail, c'est intéressant de faire en sorte que ces lignes qui sont oubliées reviennent pré-Ravel ou Ravel. Vous parlez parfois de botanique ferroviaire. Ce ne sont pas des fleurs, ni des plantes. C'est quoi la botanique ferroviaire? Non, effectivement. Si on conserve cette ligne de chemin de fer, c'est important aussi de penser au patrimoine qui s'y trouve. On a des balises, des signaux, des BKBH, c'était peut-être un peu... C'est quoi des BKBH? BKBH, ben, bande kilométrique, ah. BH, bande hectométrique. Ah, okay. Et donc c'est important pour le cycliste, le rabelliste qui est donc sur cette ancienne voie, de se souvenir que c'était un ancien chemin de fer. Et donc de conserver ce patrimoine qu'on appelle la botanique ferroviaire. D'accord. Conserver aussi les anciennes gares qui sont souvent réaménagées, mises à disposition d'associations ou même de particuliers qui les habitent. Oui, il y a des restaurants, des supérettes, des bibliothèques. Ici, on aura quand même l'occasion dans samedi de découvrir la gare de pâturage qui a été vraiment conservée. Mais on verra d'autres éléments du patrimoine, notamment le château d'eau dans la région de Carnion. Donc c'est vraiment intéressant et cette balade mettra en évidence tout le patrimoine ferroviaire. Alors, vous travaillez depuis 20 ans hein, là-dessus, mais vous avez encore des rêves, des souhaits, des projets. Ah oui, c'est faire en sorte qu'on n'oublie pas ce patrimoine et, dans la mesure du possible, rénover ce patrimoine et le réaffecter vers des objectifs et des bâtiments qui servent encore actuellement. Je pense à des restaurants sur certaines lignes, je pense, où on l'a dit, à des bibliothèques, des maisons de tourisme également. C'est très important. Effectivement, il faut préserver ce patrimoine. Demain, je vous parlerai du concert qui aura lieu à l'arrivée de ce beau vélo de Ravel dans le Borinage. Il y aura entre autres Mister Cover et Vianney. Et Vianney qu'on écoutait il y a quelques instants sur Vivacité. Si vous êtes intéressé par le concert de Vianney à Boussu, bah rendez-vous sur vivacité.be pour avoir toutes les infos pratiques concernant le beau vélo de Ravel. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. En télé sur la une, police ne bouge plus. Rizzoli cherche les malfrats, les tueurs en série, les parrains de la pègre, les psychopathes, bref, tous les gros poissons. Et si parfois elle se sent démunie, elle n'est pas toute seule. Avec Hiles, elles font une sacrée paire. Rizzoli et Hiles, saison 6. C'est tous les jeudis soirs sur la Une. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Salut, c'est Mister Cover. Nous sommes ravis de venir faire la fête avec vous ce samedi 6 août à Boussu lors du beau vélo de Ravel. À l'affiche, il y aura aussi Arona et Vianney. Nous vous attendons en pleine forme à samedi. Le Showcase du beau vélo de Ravel, ce samedi 6 août à Boussu-Colfontaine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Vivacité et Ouf TV présente Waouh ! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Et puis juste après, l'été du bon côté avec Émilie de Kegel qui est là. On parlera de l'été du bon côté dans un instant, mais d'abord votre défi, Émilie. Chaque jour, un pays, trois chansons ou deux, enfin l'ambiance estivale du pays musicalement, quoi. Eh ben alors là, on est vraiment dans le hit, dans le j'ai le top 3 de Taïwan. Ouais. Alors il faut savoir que Taïwan est influencé par l'Occident énormément, et nous aussi d'ailleurs, nous sommes beaucoup influencés par les produits temps, made in Taïwan, les bains, comme dirait. Hein. Alors au niveau du top 3 musical. Au niveau de la place numéro 3, nous avons une petite jeune fille qu'on connaît bien. On la connaît. Oui. Alors ce n'est pas Britney. Non. Elle s'appelle Meghan Trainor. C'est pas vrai. Et c'est son nouveau titre qui s'appelle wow. Me Too. Okay. Et donc ça, ça cartonne. En même temps, au niveau des sonorités, on se sent bien dans les pays asiatiques. Hein. Ouais, c'est vrai. Numéro 2, ça par contre, je ne sais pas si vous connaissez. Écoutez. Oui. Bah oui, oui, c'est... ça passe dans les boîtes, ça. Hein. Ah, c'est pour ça que je ne connais pas. C'est... enfin, dans les boîtes ou dans les kermesses, quoi, je veux dire. Hein. Dans les kermesses, de mieux en mieux, mais Stéphane. Il va falloir faire une sieste, hein, je pense. C'est Fifth Harmony, Walk Home Alone. Oui. Donc là, c'est dans le top 2 de ce qu'on écoute à Taïwan. Ouais. Et alors, sans trop grande surprise, le numéro 1. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est ça. Parce que c'est Alan Walker, Texas Ranger. C'est exactement, ça, hein? Chuck Morris. J'aime bien. Voilà. Allez. Et ça, c'est ce qui cartonne à Taïwan. Donc, si vous passez par là pour les vacances, pourquoi pas, bah, sachez que dans les prochaines semaines, vous allez danser sur ça, vous allez entendre ça dans vos hôtels, dans les taxis, dans les rues, dans les magasins. Voilà, Taïwan. Alors, demain, autre défi, Émilie. En fait, j'ai envie de changer un peu la donne. C'est-à-dire que vous allez choisir le pays. Oui. Celui que vous voulez. Mm-hmm. Et c'est à moi de deviner lequel. Ah, d'accord. D'accord. Ouf, ok. D'accord. Donc, vous choisissez un pays, trois chansons qui fonctionnent bien en été, mais qui sont quand même en rapport avec le pays. Enfin, je veux dire, il faut un peu de culture, okay, culture voilà, locale. On n'est pas obligé d'aller dans le hit parade. On est d'accord. Vous voyez. Et, c'est noté. Très voilà, bien. Voilà. Ok. Bon, un indice chez vous, à la maison. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour connaître le résultat. Et dans quelques instants, l'actualité. Mais juste après, c'est l'été du bon côté qui démarre, Émilie, oui, avec un thème très sympa et qui concerne beaucoup de monde. Oui, parce que nous allons voir un petit peu comment entretenir les relations à longue distance. Les relations à distance, qu'elles soient amoureuses, affectives, professionnelles, amicales. Vous êtes parti en vacances, vous avez rencontré l'âme sœur sur la plage. Vos enfants ont fait copain-copain avec des petits camarades aussi. Comment faire pour les entretenir? Réponse juste après les infos de 13h. Et tout de suite, c'est la météo avec Caroline Gillet qui va certainement nous annoncer de très bonnes nouvelles pour le week-end. À demain. La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Très belle journée à tous. Cet après-midi, le ciel est assez variable au nord du Sion sans brémeuse. On a par moments une impression bien lumineuse et puis des passages nuageux un peu plus denses. Au sud-est, en revanche, les nuages là sont plus compacts et une petite ondée est encore possible. Les dernières ondées vont tout de même disparaître dans le courant de la soirée et de la nuit prochaine. Le ciel restera chargé, les minima iront de 10 à 14 degrés. Demain matin, finalement, les nuages resteront assez nombreux. Très localement, on n'exclut pas à nouveau quelques gouttes. Dans l'après-midi, un soleil plus franc reviendra par l'ouest. On aura même droit à de belles éclaircies au littoral. Vers l'est, on gardera un petit risque d'averse, mais généralement, le ciel sera variable. Les maxima iront de 17 à 22 degrés. La 2, en télé. Les meilleurs athlètes mondiaux vont briller à Rio. Vivez en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi sur la 2. Eh bien bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur Vivacité, le journal de 13h dans quelques instants. Si vous avez d'ores et déjà envie de participer et réagir à notre émission concernant les relations à longue distance, n'hésitez pas, 3063 par SMS, 070 23 33 23 par téléphone. Mais pour l'heure, on s'informe pour le journal de 13h. Costume bleu, bleu aviateur, calme, souriant sous les flashs des photographes. Roberto Martinez a fait sa joyeuse entrée chez les Diables Rouges. Il y a tout juste une demi-heure, il a déjà la vareuse des Diables. Ce qu'il a dit, eh bien, on le saura dans une seconde avec Pascal Chimay qui assiste en ce moment à la conférence de presse de l'Union Belge. Des travaux de sécurisation qui commencent rue de la Loi. Il faut sécuriser les bureaux du Conseil des ministres. Le 16 était une passoire selon plusieurs audits. La nature des travaux reste secrète. C'est le rush sur les cinémas ces jours-ci. La pluie, c'est du tout bon pour les salles obscures. Un petit cinéma de Stavelot a connu sa meilleure journée.